L'autre jour, Faustine a vécu une drôle d'aventure. Il fait encore chaud la nuit. Maman ouvre la porte-fenêtre de la chambre des enfants, entrebâille légèrement les volets. L'ouverture laisse passer l'air et, en principe, rien d'autre. Faustine s'est endormie tout de suite. Elle n'a jamais de problème d'insomnie. Elle se couche tôt, obligée de suivre bébé Stéphane, se réveille tôt aussi, emplie d'énergie. Elle se couche tôt, obligée de s'adapter aux horaires de bébé Stéphane, se réveille tôt aussi, emplie d'énergie. Quand elle n'a pas école, elle reste tranquille dans son lit à rêvasser. Bouger une oreille, c'est risquer les foudres maternelles. Or, cette nuit-là, elle se réveille en sursaut au beau milieu d'un rêve. Quelque chose de lourd a chu sur son lit. Faustine n'a pas de lampe de chevet et il n'y a plus de veilleuse dans la chambre. Affolée, elle se lève, tâtonne en direction de la porte. Alerter les parents, qu'ils viennent la rassurer. Elle craint que le danger qui rôde ne la dévore toute crue. La voilà debout au milieu de nulle part. Plus de repères dans la nuit d'encre. Ni la plus petite lueur. Impossible de se diriger d'un côté ou de l'autre. Et comble du comble, voilà qu'elle a perdu son lit. Pendant ce qui lui semble une éternité, elle erre à la recherche d'un mur, d'un meuble, de n'importe quoi qui pourrait la sauver. Osant à peine marcher, regrettant amèrement d'avoir quitté la sécurité de ses draps. Paniquée, elle ne reconnaît plus rien. Déstabilisée, désemparée, désorientée, énervée, elle n'ose pas crier. Elle a l'interdiction absolue de réveiller son frère. Elle est au bord des larmes. Aïe ! Elle se cogne le pied dans quelque chose. On dirait la table sur laquelle maman pose sa machine à coudre. Faustine lève le bras, l'agite devant elle, sa main rencontre le métal froid. Oui, c'est bien cela. Alors, enfin, la fillette sait où elle se trouve et peut aller dans la bonne direction rejoindre son lit. Une fois sous les couvertures, elle restera encore longtemps éveillée, n'osant respirer, tentant de percevoir le souffle du monstre ou son absence de souffle, essayant de s'assurer qu'il est parti. Quelle aventure ! Elle en tremble encore quand elle la raconte à maman le lendemain matin. Maman qui lui dit calmement, elle a beau jeu, elle, que c'était sans doute un chat. Bien inoffensif, probablement parti aussi vite qu'il est venu, plus effrayé encore par Faustine. En plus, dit-elle en riant, c'est bien connu, les petites bêtes ne mangent pas les grosses. Peut-être, pense Faustine, mais franchement, il se passe des choses très étranges dans la vie. Elle n'a pas oublié le jour. Elle devait avoir 5 ans à tout casser. Où ils étaient montés en ville avec papa qui avait rendez-vous avec un ami. Assise à la terrasse d'un café, pendant que les grandes personnes parlaient, Faustine balançait ses pieds dans tous les sens. Quand elle s'est rendue compte soudain qu'elle n'avait qu'une seule chaussette. Qui avait volé l'autre? Faustine a passé tout le temps qu'ils étaient là à essayer de lorgner sous la table afin de surprendre le monstre voleur de chaussettes. Elle était certaine d'avoir quitté la maison avec ses 2 soquettes. Alors? Ce matin, Faustine s'est levée de bonne humeur. Il y a des jours comme ça où elle est heureuse d'être au monde et d'y voir clair. La vie est tellement riche d'aventures, d'apprentissages, d'expériences en tout genre. Elle a 9 ans et déjà plusieurs séjours à la montagne à son actif, plus les voyages en Italie. Elle a compris 2 ou 3 petites choses, question de survie. Elle a remarqué que maman prend seule les décisions qui la concernent. Indéniablement d'entente avec papa qui, sauf en ce qui concerne les fessées, le sale boulot, ne s'occupe absolument pas de son éducation. Faustine a pigé aussi qu'il ne sert à rien d'être jalouse. Plus tard, elle peaufinera, mais déjà, sans savoir ce que c'est, elle n'aime pas la compétition. Elle refuse de détester Stéphane, bien qu'il soit manifestement le préféré de maman. Même si, quand il a eu 2 ans, lui qui était le plus beau bébé du monde, s'est vu obligé de porter d'affreuses lunettes et un bouchon sur l'œil qui le défigure. Est-ce une conséquence ? Faustine le voit devenir géniard, redzipéteur et sournois. Malgré tout, c'est son frère, la seule personne dont elle se sent vraiment proche. Alors, la fillette décide de l'aimer toujours, sans condition. Elle réalise, C'est la toute première fois qu'elle a le choix de décider de sa conduite. Faucine supporte mal ce qu'elle ne trouve pas beau. Son sens esthétique se développe. Un jour, elle se rend compte que ses doigts sont pleins de rides ou jointures. Signe que le temps passe et surtout que quelque chose d'irrémédiable est en train de se produire. Il n'y a plus de retour en arrière possible. Faustine prend conscience de la cruauté du temps fuyant et versera sa larme sur son enfance disparue. Elle n'est plus une toute petite fille. La preuve, l'été passé, elle a voulu à tout prix mettre un haut de bikini à la piscine. Lubie qu'elle abandonne l'année suivante et jusqu'à ce qu'elle ait deux vraies raisons d'en porter un. C'est bientôt Noël. Maman, qui adore les fêtes, se donne à fond. Cette année, elle invite son frère préféré, Walter, avec sa femme, Maria. Grand-maman Bertine avait 40 ans quand maman est née. Cette dernière est ce qu'on appelle pudiquement un accident. Comme si les plus de 30 ans n'avaient plus le droit de s'envoyer en l'air. En conséquence, son frère a 13 ans de plus qu'elle. Quand elle était adolescente, c'est toujours lui qui l'emmenait danser. Ça ne s'oublie pas. Ce Noël-là, le menu du réveillon est sophistiqué. Maman s'est lancée dans la confection d'une salade Waldorf, d'un filet de bœuf Wellington et d'un plum pudding typiquement anglais avec de la graisse de rognon de bœuf, s'il vous plaît. Dans la famille de Faustine, les anniversaires ainsi que les fêtes de Pâques et de Noël sont des occasions importantes. À Noël, il y a toujours la visite du vieux barbu, un étudiant du quartier déguisé. Un immense sapin décoré de vraies bougies, une montagne de cadeaux plus grande que les enfants et un gueuleton phénoménal. Les marmots sont sommés de jouer tranquillement dans leur chambre en attendant qu'on les appelle. C'est sans nul doute l'après-midi le plus long de l'année. Enfin, on entend les chants de Noël sur le pick-up, ce qui signifie que les enfants peuvent venir. Ils ont appris qui son poème, qui sa chanson. Cette année, Faustine chante, tandis que Stéphane récite un court poème appris à l'école enfantine. Ne comprend pas pourquoi tout le monde explose de rire quand il écarte grand les bras en clamant bien fort. Et qui vient du désert? Les fromages! Enfin, on procède à la distribution des cadeaux. Faustine reçoit un livre magique, « Les mille et une nuits », un énorme pavé d'au moins 300 pages. C'est sensationnel. Elle se sent riche de toute cette réserve de lecture. Ensuite, elle reçoit un cadeau extraordinaire, une maison de poupées entièrement fabriquée par papa et maman. Un pavillon sans toit de plein pied, dans lequel on peut, par des portes mobiles, passer d'une pièce à l'autre. Elle est composée d'un grand salon salle à manger qui donne sur la cuisine d'un côté, sur la chambre à coucher de l'autre. Une cheminée au feu allumé grâce à une petite ampoule, une chambre avec un lit double donnant sur une salle de bain attenante. Tous les minuscules meubles en bois sont parfaits. La décoration moderne, les tapisseries de très bon goût, tapis, lampes qui s'allument en vrai, vaisselle et locataires vêtus de neuf. Il ne manque rien. Faustine explose de joie. Elle en rêvait depuis si longtemps. C'est le plus beau Noël de sa vie.